Point numéro 6. La génération de vos liens affiliés. Lorsque vous êtes... Bon, déjà, il faut savoir que avant de le faire, vous devez être déjà inscrit en fait au programme. Il faut vraiment vous assurer de ça, que vous êtes inscrit au programme et que vous êtes vraiment ouvert sur une section mobile où votre compte est déjà ouvert en tant qu'affilié. Il faut vraiment vous assurer de ça, sinon vous allez générer un lien qui n'est du tout pas affilié. Donc, faut vraiment vous assurer de ça, que vous êtes vraiment inscrit au programme et que voilà, et d'utiliser vraiment votre lien affilié pour vraiment gagner les commissions sur les ventes réalisées grâce à ce lien. Donc, lorsque vous êtes sur j'en suis téléphone, il y a 6 pour ne pas dire 7 étapes essentielles pour pouvoir générer le lien en fait de vos produits affiliés. Le premier point, c'est d'abord d'ouvrir l'application Amazon sur votre téléphone ou d'accéder au site web d'Amazon via votre navigateur mobile. Ensuite, vous recherchez le produit que vous souhaitez promouvoir en utilisant la barre de recherche. Après, une fois que vous avez trouvé le produit que vous voulez, vous appuyez sur l'image ou bien sur le lien quand même pour ouvrir quand même la page du produit, pour ouvrir le produit et tout. Il se passe quoi après? Lorsque la page du produit elle est ouverte, vous allez rechercher le bouton partager. C'est une icône similaire à une flèche qui va vers le haut là. Et généralement, elle est à côté du bouton ajouter au panier. Vous allez cliquer sur ce bouton partager là. Et ensuite, vous allez appuyer sur partager. Quand vous appuyez sur partager, ça va ouvrir une fenêtre contextuelle avec différentes options de partage. Et vous allez cliquer sur copier le lien. Une fois que vous avez copié le lien, automatiquement, c'est le lien affilié en fait du produit qui est déjà généré comme ça. Et ce lien-là sera automatiquement collé dans votre presse-papier. Bon, vous pouvez le coller et tout. Bon, voilà, dans votre presse-papier. Maintenant, vous pouvez maintenant coller votre lien où vous voulez, que ce soit dans un message, dans un mail, dans un site web et tout, tout ce que vous voulez. Donc, voilà un peu comment on génère le lien lorsque vous êtes sur un mobile. Lorsque vous êtes sur l'ordinateur aussi, ce n'est pas vraiment différent. Vous vous connectez toujours, ou bien vous ouvrez votre navigateur web et vous accédez à www.amazon.com. dans la barre d'adresse, vous connectez votre compte Amazon Partner, bien sûr, si vous n'êtes pas déjà connecté. Ensuite, vous recherchez le produit que vous souhaitez promouvoir en utilisant toujours la barre de recherche sur la page d'accueil d'Amazon. Et une fois que le produit il est trouvé, vous cliquez là-dessus, vous ouvrez le produit, vous recherchez toujours le bouton partager qui est toujours similaire à la flèche qui vole, ça ne change pas, toujours à côté généralement du bouton ajouter au panier. Puis maintenant vous cliquez sur partager, ça va ouvrir toujours les comptes des gens, des fenêtres comme si c'était sur mobile avec option de partage. Vous allez sélectionner copier ou bien copier le lien du produit, ça dépend. Ça va copier automatiquement le lien affilié du produit là dans votre presse papier. Donc maintenant vous pouvez le coller où vous voulez, mais faut vraiment, je le répète, faut vous assurer vraiment que vous êtes inscrit au programme et que vous êtes connecté. Donc voilà, pour ceux qui veulent éventuellement personnaliser ou bien raccourcir ce lien là, vous avez la possibilité d'utiliser l'application Bitly ou bien bon voilà, utiliser d'autres réducteurs de liens quand même pour réduire ça. Mais vraiment, il faut réduire les liens. Lorsque vous réduisez ou bien vous personnalisez les liens, ça diminue en fait la crédibilité de ces liens là aux yeux de Amazon. Donc ce qui est un peu difficile. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir par rapport à la génération de liens, c'est tout. Vous gérez le lien et puis voilà, vous le mettez à la fin de votre description. En principe, on doit générer le lien avant même de faire la description, parce que lorsqu'on génère le lien, on met ce lien là au frigo, on met ça voilà au brouillon d'abord, et puis quand on finit, on colle ça, voyez. Donc c'est pas lorsque tu as fini la description maintenant que tu vas générer le lien. Mais bon, peu importe, du moment en fait où vous n'avez pas encore envoyé, ce n'est pas encore posté, vous pouvez générer le lien. Mais il faut pas oublier de l'ajouter en avant dernière position. C'est l'avant dernière chose en fait à faire au niveau de la description, et vous finissez en fait par le CTA, par l'appel à l'action, avant de pouvoir diffuser en fait votre annonce. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir par rapport au point numéro 6, qui est la génération de vos liens affiliés.